Portrait d'assaut sur Fadjet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Portrait d'assaut, un rendez-vous qui nous fait découvrir celles et ceux qui s'engagent pour faire bouger les territoires. Aujourd'hui, à la rencontre de Terrafilia, un réseau d'acteurs engagés donc dans le développement local. Nous accueillons pour cela Julien et Meltem. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Donc Julien est président de l'association et Meltem est chargé de développement, c'est ça ? Il est la secrétaire de l'association. Secrétaire de l'association, parfait. Mais pas que. Alors Terrafilia, c'est tout récent, ça a tout juste un an, c'est ça ? Tout juste un an, totalement. Ça a été créé en juin 2024. Avant, ça avait un autre nom. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'historique ? Comment est né ce réseau ? Avant, ça s'appelait Aranea, mais qui a été fermé. Donc, on est vraiment une autre entité. Hein. On a d'autres vocations pour le coup. Ça part d'un besoin déjà d'Université de Lorraine sur le département des sciences de l'éduc de la formation pour adultes, où il y a trois filières, hein, la licence IFIA, le M1 ingénierie pédagogique, responsable de formation, je cherchais le nom, et le M2 de développement du territoire. Donc au départ, c'est pour venir en soutien des étudiants dans leurs besoins et dans leur recherche de stage ou de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation et d'aider les futurs professionnels qui vont devenir à trouver un emploi et à trouver des pistes dans les actions qu'ils peuvent mener. On fait beaucoup de mise en relation en fait au niveau de l'association entre les étudiants actuels qui seront les professionnels de demain et les professionnels qui sont sur le terrain. Et les professionnels déjà en poste depuis quelques années. C'est ça. Qu'on connaît dans notre réseau. Et donc vous êtes président, Julien, de cette association. Comment ça est venu justement de vous engager dans ce rôle-là ? Moi, ça fait quelques années déjà que je suis dans le développement territorial avec mes anciennes fonctions et mes nouvelles fonctions là sur le territoire et d'autres territoires. Quand ça nous est venu en tête, c'était surtout parce qu'on travaillait déjà dans le développement. Moi, j'étais dans l'insertion, dans un groupe d'IAE. Moi, je me rendais bien compte qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions en interne. Il fallait qu'on cède sur notre réseau. On s'est posé la question de comment on pouvait résoudre un petit peu cette problématique. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas reprendre anciennement Aranea qui avait donc les missions qu'on vous a citées là et créer quelque chose de nouveau avec d'autres missions qu'on va peut-être vous évoquer. Terrafilia, donc c'est né d'Aranea, mais on a beaucoup plus de missions. Enfin, on a envie de faire autre chose. Et du coup, l'objectif quand même principal, c'est d'être en soutien aux étudiants des filières des sciences de l'éducation et de la formation. Et c'est aussi fédérer tous les acteurs de ce domaine-là, donc du domaine de l'insertion, de la formation, du développement territorial, et de créer des espaces où ces personnes-là, ces acteurs, peuvent échanger. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis la création de l'association ? Alors, on va parler déjà des actions qui sont menées, sans parler des grosses actions. Donc, on met des temps d'échange, comme disait Meltem, donc des temps d'échange informels. Donc, souvent, ça peut se passer dans un bar ou quoi que ce soit. Donc, ça, on essaye d'avoir des temps d'échange tous les mois, soit sur un temps d'échange informel, comme ça, les acteurs du territoire peuvent échanger entre eux. On a un deuxième temps qui est la co-construction d'ateliers, parce que c'est notre action phare qu'on essaye de faire 2 à 3 fois par an. On en a fait notre première, mais Meltem vous en parlera après. Donc du coup, on fait une co-construction tous ensemble sur cet événement. Je passe la main à Meltem, oui, pour qu'elle vous parle des terrapéros. C'est ça. Alors, les terrapéros, effectivement, c'est un mot qui attire tout de suite. Et qui donne envie. Je suis assez d'accord avec ça. C'est ce qu'on a recherché en fait. On a recherché à trouver un nom qui puisse attirer tout le monde et qui soit aussi en adéquation avec Terrafilia, donc Terrafilia Terrapéro. Donc on a organisé le premier Terrapéro de l'association et en fait on a réuni différents acteurs, toujours du territoire, des adhérents et des non-adhérents. Donc il y a des personnes qui ont découvert aussi l'association par ce biais-là. On a co-construit, on a échangé autour de la thématique vision et transmission. Donc c'était la thématique de la soirée. C'était des ateliers autour de cette question-là. Et à la fin, ça s'est terminé par un petit apéritif autour, du coup... Il y avait une promesse quand même, oui, dans le nom. Quand vous parlez d'acteurs, alors quel type d'acteurs vous avez réuni ce jour-là ? Pour ce premier événement, il y avait quand même plus de 60 personnes qui se sont inscrites et qui étaient présents. Donc déjà, on remercie la structure qui était partenaire et qui nous a accueillis, qui était l'IRTS de Lorraine. Ils nous ont du coup prêté leurs locaux et ça, c'était plutôt cool. Et surtout, c'est que ça passe un message fort sur le besoin du développement et du maillage partenarial sur le territoire. On avait vraiment de tout horizon, on avait des personnes qui s'occupent de l'insertion dans les marchés publics, on avait des chargés de développement du service civique, on avait des accompagnateurs du handicap. Dans l'associatif, des personnes en entreprise, enfin vraiment différentes personnes de différents horizons. On avait du coup des domaines assez éclectiques et du coup c'est vrai que Les ateliers, c'est se poser une réflexion sur ce qui se passe, les problématiques d'aujourd'hui hein, et les problématiques de demain, vues par les professionnels. Et ça nous permet d'échanger sur ça. Et plus qu'on aura de domaines qui vont échanger sur ces problématiques-là et sur ces ateliers, plus que nous, on va pouvoir essayer d'en faire quelque chose. Peut-être pour tracer l'historique aussi de l'association, on a deux assesseurs qui sont des chercheurs de l'Université de Lorraine, hein, qui portent l'association automatiquement, vu qu'ils font partie du CA, qui, eux, sont vraiment des chercheurs actuels qui publient, qui orientent un peu les politiques publiques sur ce qui se passe. On trouvait que, bah, justement, associer ces chercheurs-là avec les acteurs du terrain pour qu'ils soient plus près en contact et des échanges plus simples, plus souples, pouvait être intéressant. Et ça leur permet aussi, eux, de voir les choses qui se passent réellement sur le terrain, parce qu'ils sont chercheurs, ils sont maîtres de conférences. Mais là, ils peuvent aussi voir ce qui ressort réellement, ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est tout l'enjeu, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on a envie aussi de développer au quotidien. Et donc, le retour après ce premier terre-apéro, c'était positif, quoi. On était parti sur de bons rails. Hein. Oui, c'est ça, c'était positif. Bah, déjà, plus de 60 personnes pour un premier événement avec une association qui avait à peine un an, parce que c'était au mois de mars, ça en dit long. Aujourd'hui, on compte plus de 50 adhérents, donc ça en dit aussi long. Bah, là... Les perspectives, c'est de continuer d'en faire un autre. Je pense que d'ici octobre, enfin septembre, on va annoncer une nouvelle date pour octobre ou novembre. On va essayer d'en faire deux, voire trois par an. C'est ça. Et on a vraiment l'objectif de développer ces temps d'échange-là, en dehors des temps d'échange avec les adhérents, et de les faire un peu aussi chez des partenaires différents. Par exemple, donc là, c'était l'IRTS. Là, c'était l'IRTS, oui. Exactement. Et ça peut être aussi l'occasion pour d'autres associations, d'autres structures qui voudraient aussi avoir plus de visibilité. Ça peut être aussi l'occasion pour eux d'avoir plus de visibilité sur ce type d'événement. Et donc, ça permet aussi aux adhérents et aux non-adhérents de découvrir des associations, des structures qu'ils ne connaissent pas. Les terre-apéros, c'est déjà une des actions. Vous avez déjà lancé d'autres choses ou d'autres projets déjà pour les semaines, mois à venir? On a des projets qui est porté du coup là par la vice-présidente Stéphanie qui fait des comme des micro-trottoirs, des podcasts sur plein de thématiques et qu'on va publier. Alors là, on essaye de le finaliser pour qu'il sorte soit cet été ou soit début de l'année prochaine, enfin en septembre. Donc on a ça qui est plutôt intéressant parce que c'est interroger des professionnels sur des questions. Toujours, on reste sur des thématiques qu'on demande d'ailleurs aux adhérents. Hein, je leur souligne, hein, mais même les thématiques, les terre-apéros. Oui, ça vient d'eux. Oui, voilà, ça vient d'eux. C'est co-construit. Il n'y a pas une tête pensante où on applique, c'est pas descendant. Hein, loin de là, et puis heureusement. On a envie aussi de faire des portraits de métiers pour aussi faire connaître certains métiers, parce qu'on parle de chargé de mission, chargé de développement, etc. Et en fait, ça veut tout dire, rien dire. Ouais. C'est vraiment des fonctions où on peut mettre tout et n'importe quoi derrière. Et ce serait l'occasion vraiment de se dire, bon ben, effectivement, telle personne, elle est chargée de mission, et concrètement, elle fait ça, ça, ça, ça, ça. Ça sera aussi l'occasion, avec ces vidéos-là, ces témoignages-là, de mettre en avant aussi ce que font... les adhérents et les non-adhérents, s'il y a des personnes qui veulent aussi qu'on fasse un portrait d'eux, on peut. Oui, puis aussi, il y a les parcours qui nous amènent à telle fonction, mais parfois, on peut avoir fait différents biais et se retrouver parfois par hasard même dans ces fonctions-là. Parce qu'on se rend compte que dans les filières des sciences de l'éduc et de la formation pour adultes, ceux qui ont fait les licences un peu plus générales, ben on se rend compte qu'au final, souvent, ils veulent être profs. Ils ne se rendent pas compte de la vision des autres métiers. Même s'ils font ça, ils peuvent faire autre chose. Et des fois, ils ont une vision complètement biaisée. Parce que c'est l'expérience aussi qui amène ça après. Donc, Il y a une vraie méconnaissance en fait, de ce qui existe. Et les étudiants en formation initiale ont tendance à s'orienter vraiment vers des métiers classiques. Professeur des écoles, c'est des métiers très, très classiques, très connus. Mais il y a d'autres choses qui existent et des métiers aussi très passionnants. Puis on voit bien que les parcours sont éclectiques. Hein, quand on rejoint la licence IFIA ou le M1 ou le M2, au final, souvent, c'est des reconversions professionnelles. Il y a quand même des formations initiales qui suivent. Mais on se rend bien compte que là, du coup, les parcours sont vraiment riches, plus intéressants et nous apportent des billes. Encore plus pour nous, l'association Terrafilia. S'il y a des auditeurs, des personnes qui sont dans des associations, qui découvrent un peu Terrafilia, qui ne connaissaient pas, parce que ça peut être normal, ça fait un an seulement. Mais comment on fait pour vous contacter? Vous êtes présent aujourd'hui essentiellement sur LinkedIn, je crois. Hein. Bah, vu qu'on est quand même un réseau de professionnels, hein, on est une association qui fédère des professionnels, on trouve pertinent aujourd'hui de rester sur LinkedIn. Et puis il y a aussi un moyen humain, hein, on travaille à côté, donc s'éparpiller, ça serait peut-être compliqué. Donc aujourd'hui, c'est sur LinkedIn. Terrafilia, hein, T-E-R-A-P-H-I-L-I-A. On n'a pas choisi le plus simple, mais Terra comme terre et Filia comme les liens. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et puis sinon, par mail, il y a le mail. Hein. S'il y a des gens qui veulent rejoindre l'association, l'adhésion, c'est 5 euros. Oui, vous êtes sur Hello Asso, je crois. Hein. Oui, on est sur Hello Asso, c'est ça. On va lancer la nouvelle campagne donc au mois d'août, parce qu'on a un événement qui va arriver, ça va être l'AG. Hein. Pareil, tout le monde est convié à l'AG qui va se faire à la fac des lettres, à l'Université de Lorraine. L'Université de Lorraine. Qu'on remercie de nous prêter les locaux, hein, d'ailleurs. Ce sera le 24 juin, ouais, enfin, à 18h30, normalement. Voilà, le 24 juin, l'AG, ça c'est le grand rendez-vous des associations. Ouais. C'est ça, le mois de juin, de toute façon, c'est... oui, on le sait. Et s'il y a des questions, il y aura quelqu'un qui va appeler la personne s'il y a des besoins. Des fois, on a des personnes qui nous demandent des besoins bien particuliers, même qui ne sont pas adhérents. Moi, je prends le parti de, on doit les appeler et puis on voit ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses possibles, c'est plein de choses à faire. Mais tout se passe vraiment par LinkedIn. Oui, c'est mieux. Il y a tous les coordonnées de l'adresse mail, etc. Mais tout se passe par LinkedIn et on essaye vraiment d'être actif en republiant, par exemple, les offres d'emploi sur toute la région, en essayant aussi de faire des publications assez régulières aussi. Toutes les semaines, oui. Je tiens à le souligner parce que la personne qui s'en occupe, c'est quand même énergivore et chronophage. Hein, mais voilà. Parce que vous êtes bénévole aussi. On est bénévole. Il n'y a aucun salarié. On est tous bénévoles. Et comme tout à chacun dans ces domaines-là, on est un peu surchargé. Donc c'est vrai que je tiens à le souligner que la personne qui s'en occupe, souvent, elle s'en occupe. Il est 7h du matin pour faire le poste le mardi. Mais on aime ce qu'on fait et ça nous... Je serais pas là sinon. C'est ça, on serait pas là. C'est ça. Après un an, là, la motivation, elle est présente chez vous, Beltem et Julien. Elle est toujours là parce qu'on voit aussi que ça prend et que les gens sont intéressés et on voit un réel impact quand on crée des événements. Oui, donc la motivation est toujours là et j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour Terraphilia. Et on se rend bien compte aussi que dans nos pratiques au quotidien, on en a vraiment besoin. Enfin, je veux dire, ces réseaux-là, nous, on s'en appuie, enfin, avec Meltem, on s'en saisit, mais comme d'autres membres et puis adhérents, sans ça, je pense qu'on ne pourrait pas faire des beaux parcours qu'on fait aujourd'hui. Quoi. C'est ça, en fait, vu qu'on se regroupe, vu qu'on se connaît finalement entre adhérents, bah, quand on a des questions, quand on a besoin aussi dans notre vie professionnelle, bah, on peut se dire « Ah ben, bah, je connais un tel » et ça facilite vraiment les choses. De connaître des personnes qui sont dans des endroits précis, ça facilite beaucoup les choses. Et donc, que du positif, finalement. Un beau message, qu'on soit étudiant ou déjà dans des associations, pour vous rejoindre, ça, on n'hésite pas à vous contacter. Alors. Totalement. Un dernier mot, Julien, peut-être. Ouais, j'en profite pour remercier les adhérents de l'association qui sont aujourd'hui, les membres du bureau et du CA, et nos partenaires, hein, ils sont essentiels, tout ce petit monde est essentiel pour la bonne marche de l'association, parce que là, on n'est que deux à représenter l'association. Mais sans tout le petit monde derrière, on ne serait rien. Donc vraiment, je les remercie du fond du cœur de nous permettre de faire cette belle aventure tous ensemble. Terraphilia, T-E-2-R-A-P-H-I-L-I-A, sur LinkedIn. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Meltem. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions de votre accueil. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.